Chapitre 8e, le collier d'or. Si maître de soi que l'on soit, on n'échappe pas à des préoccupations d'ordre aussi immédiat que ceux d'un attentat dont on faillit être victime. Delbon ne songea plus reprendre place à son observatoire. Sa mésaventure avait chassé de son esprit les rêves agréables, ainsi qu'un coup de vent bourrasque balaye les nuages du ciel. Il s'installa dans le vaste siège, à peu près confortable, que constituait une énorme racine à fleur de sol, et pour faciliter sa méditation, bourra une pipe, lentement, méthodiquement, avec tout l'art consommé d'un fumeur impénitent, étageant le tabac dans le fourneau, par couches de plus en plus pressées. Puis il l'alluma, aspira. La fumée montait tranquillement, dans une atmosphère calme, par grands anneaux réguliers, se bleutant au fur et à mesure qu'il s'élargissait, et finalement, se rompant, se dispersant en flocons ténus. Philosophant, Delbon reprenait pour son compte une méditation vieille comme le monde. Ainsi en est-il de toute existence en général et de la mienne en particulier. Carpe diem, oui, mets à profit le jour présent, car tu ne sais pas si demain tu ne te disperseras pas comme fumée de tabac. Et il conclut pour lui-même, son esprit de décision reprenant subitement le dessus. Certes, mais ce n'est pas une raison pour que tu permettes à la première canaille venue de t'ôter avant le temps le goût et la saveur des choses périssables. Au lieu d'enchaîner de platoniques réflexions, ne serait-il pas préférable de prévenir la gendarmerie? Il témoigna par un geste évasif qu'il renonçait à cette solution. À quoi cela me servirait-il sinon à m'assurer une vengeance posthume si quelque malheur m'arrive? Il est préférable, je crois, de me défendre moi-même. Ce sera bien le diable si je ne réussis pas à découvrir les motifs de l'hostilité, sournoise ou insolemment avouée, d'une crapule pour qui j'étais un inconnu il y a 2 ou 3 semaines et que je ne sache pas avoir provoqué. Il trouverait un intérêt à ma disparition, mais lequel? Avec lucidité, l'ingénieur envisagea les hypothèses possibles. La première, il l'écarta d'emblée. Il était improbable qu'il eût affaire à un délirant, un maniaque du crime. La seconde, plus plausible, ne le satisfaisait pas complètement, car il l'obligeait à prêter à Gresset un de ses caractères vindicatifs et rancuneux à l'extrême, comme on en trouve encore dans le maquis corse. Ne cherchait-il pas à se venger sur le petit-fils d'une offense qu'il aurait soufferte du grand-père? La troisième avait quelque chose de plus rationnel. Complice à la solde de cette demoiselle Alix, Gresset était-il chargé par elle d'organiser une mise en scène qui découragea et épouvanta Delbon pour le décider à laisser la place libre et à renoncer à son héritage? La quatrième, malgré qu'elle comportât un élément romanesque, n'était pas à rejeter a priori. L'ingénieur l'envisagea donc avec soin. N'était-il pas expressément stipulé, dans le testament, que si l'héritier ne se dérobait à aucune condition du legs, il entrerait en possession non seulement du domaine, mais encore de ce que celui-ci contenait ou pourrait contenir. Pourrait contenir. La forme de l'expression à dessein énigmatique avait attiré l'attention, Delbon s'en souvenait, du positif Omehara. Quelque part, on ne savait au juste, un magot n'était-il pas caché dans la demeure ou la propriété qui l'entourait? Gresset, au courant de la situation, ne s'évertuait-il pas à la découvrir, pour son propre compte ou pour le compte de quelqu'un qui n'ignorait rien de la clause bizarre et lui prêtait toute son importance? On comprend qu'aussitôt un nom vint naturellement à l'esprit du jeune homme. Tout en retournant et retournant ses pensées, en les mâchant, en les ruminant, afin d'en extraire, pour ainsi dire, le suc, l'ingénieur s'était machinalement relevé et regagné à pas alerte sa maison. Qui ne l'a remarqué? On éprouve très souvent un véritable besoin de remuer les jambes lorsqu'une obsession niche dans un coin de notre cervelle. Comme il gravissait l'escalier du perron, il se retourna, on l'appelait. « Monsieur, hé, monsieur !» Bernard agitait un rectangle de papier, il avait un panier au bras, il s'approcha. « Une lettre pour monsieur, une lettre. Je l'avais emportée en allant aux champignons dans l'espoir de rencontrer monsieur. Une lettre. Je regrette que monsieur l'ait reçue. » Delbon demanda avec l'intention amusée de provoquer un déluge de sentences de son domestique. « Et pourquoi ?» Bernard coupa dans le panneau. « Pourquoi ? Ne dit-on pas « pas de nouvelles, bonne nouvelle » ou « qui aperçoit le facteur aperçoit souvent le malheur ?»« Donne quand même. Voilà, monsieur. » Delbon jeta un regard sur la provision de cryptogame. On y distinguait la livrée grise de nombreuses coulemelles. Il s'écria pour rire. « Alors tu veux m'empoisonner ?» Bernard protesta. « Oh, monsieur !» Delbon saisit l'occasion. « Dame, si tu as autant de sympathie pour moi que ce graissait de malheur ?» Avec une réserve prudente, il ne se confia pas entièrement et atténua, sans paraître prêter grande importance à ses propres paroles. « Il n'a pas l'air de me chérir beaucoup, ce vilain chimpanzé. Je l'ai rencontré il y a un instant, s'il avait pu me dévorer. Heureusement qu'il faudrait un rude estomac pour me digérer. » Bernard expliqua. « Qui est foireux le reste parfois vieux. » Feu M. Delorme m'avait fait dresser procès-verbal à Gresset, qui, pour la seconde fois, il avait pincé à braconner sur ses terres. C'était son droit, mais qui, passant justice par la faute du père, détestera le fils. En possession du renseignement qui semblait confirmer l'une de ses hypothèses, l'ingénieur se réfugia dans son studio pour déchirer le pli que venait de lui remettre le domestique et qui émanait de Homéara. Libre pour quelque temps de ses mouvements, l'Irlandais se proposait de rejoindre son vieil ami dans sa solitude. Delbon lui répondit de suite de hâter son voyage. Homéara l'aiderait, ainsi qu'il avait bien voulu s'y engager, à débrouiller les fils d'une situation assez enchevêtrée et fertile en danger et en surprise. Quel démon de curiosité ou quel esprit de bravade poussa l'ingénieur plus tard, comme il n'avait rien d'autre à faire, à tenter une reconnaissance jusqu'à la tanière de l'ennemi? Il ne serait pas fâché, le cas échéant, d'évaluer jusqu'où irait le cynisme du drôle. Il traversa le lac rapidement, aborda la rive opposée et n'eut pas longtemps à chercher. Au seuil d'une maisonnette à un étage, de caractère rustique, dont le crépissage s'écroulait par de lépreuses plaques, il aperçut, au premier coup d'œil, celui qu'il y comptait trouver. Graissé assis sur un billot de chêne, réparait un épervier. Son fusil était posé à terre, à proximité de ses grosses pattes noueuses, et la navette d'acier allait et venait, avec figure sinistre de lame de couteau. Delbon s'approcha de l'homme qui n'avait pas paru remarquer sa présence. En réalité, des regards perçants l'observaient, dont l'orientation se dissimulait sous les larges bords abattus d'un feutre enfoncé jusqu'aux oreilles. L'ingénieur entama la conversation avec une certaine nuance d'ironie dans l'intonation. « Vous réparez un filet. Songeriez-vous à vous emparer de quelques grosses pièces? Prenez des précautions alors, car leur capture est parfois difficile. » « Mon Dieu !» répartit le rustre avec un accent pareillement équivoque mais tranquille. « Si la grosse pièce est assez naïve pour s'empêtrer dans les mailles. » L'ingénieur comprit qu'il ne tirerait rien par la ruse d'un individu poinceau, fort dissimulé, se tenant sur ses gardes. Mieux valait essayer de la brusquerie. Il entama les hostilités. « Voyons, Gresset, ne jouons pas au plus malin. » Le gaillard l'interrompit. « Non, car vous ne seriez sans doute pas le plus fort. » Delbon affirma, presque avec conviction, « C'est très possible. » Et il posa la question qui lui brûlait les lèvres. Au lieu d'envenimer la situation, jouons cartes sur table, franc jeu. Il y a peut-être encore moyen d'arranger la partie. Quel diable de mobile a pu vous pousser à essayer par deux fois de me supprimer? Le mouvement régulier de la navette ne s'interrompit pas et le bonhomme se tira d'embarras par un faux fuyant. On ne pose pas des interrogations auxquelles on ne peut pas répondre. Ah, soyez sans vous offenser. Vous n'avez pas la malice de votre grand-père. Delbon eut un léger mouvement. Gresset, feignant de se méprendre, se moqua. « N'ayez pas peur. On risquerait trop à régler ses affaires si près de chez soi. On fournirait des atouts aux curieux. Tout vient à un point qui sait attendre, et je ne suis pas pressé. » À cette sorte de menace, Henri répliqua. « Eh bien, ça se rencontre mal. Nous ne nous ressemblons pas sur ce point comme sur beaucoup d'autres, d'ailleurs. Il m'arrive de l'être pressé, moi, et si jamais je vous rencontre sur mes terres, où je vous défends de mettre les pieds dorénavant, je me charge de vous rappeler un peu brutalement, peut-être, que Meunier est maître chez lui. » Sans se démonter, d'un timbre qui imitait à s'y méprendre celui de la voix de Bernard, le personnage répliqua. « Un bon averti en vaut deux. Delphin Gresset en vaut quatre, qui, quelquefois, n'ont pas peur de se battre. À bon entendeur, salut. » Peu soucieux de continuer la querelle jusqu'à la nécessité de se colter, Delbon s'éloigna, haussant les épaules. Relevant enfin la tête, le rustre lui cria « Goguenard !» dans ses mains jointes en porte-voix. « Et que monsieur ne se croit pas obligé de se presser, qu'il n'ait pas la moindre crainte. Je ne prémédite pas le mauvais tour de lui tirer dans le dos, ne serait-ce qu'à cause de la charge de mon fusil. Ces cartouches sont à plomb numéro 11. Et comme monsieur n'est point précisément Beckfig, » Delbon, dédaigneux de répondre, réfléchissait. « C'est une déclaration de guerre à peine déguisée. Et je ne suis pas mieux fixé qu'auparavant sur ce qui la motive. » « Décidément, il faut que je me transforme en Argus. Je risquerai de payer cher un moment de distraction. » Il se penchait pour démarrer sa barque. Non loin du piquet, dans une touffe d'herbe, une sorte de rayon luisait. Il interrompit sa besogne, avança d'un pas, se baissa et ramassa un collier d'or. Ce collier, il en avait remarqué l'éclat sur la blancheur du col de son apparition d'une nuit, de sa charmante vision d'un jour. Ce collier, il en avait remarqué les maillons d'une orfèvrerie délicate et démodée. Et tandis qu'il ramait, il avait l'illusion d'apercevoir deux têtes à fleur d'eau, l'une à peau terreuse et à expression quasi angoissante, l'autre revêtue d'un épiderme rosé et souriant d'un clair, d'un pur regard où l'espièglerie le disputait à la douceur.